Ce panneau signale une obligation dont la nature est mentionnée sur le panneau. En l'occurrence, il s'agit d'une obligation d'allumer les feux.